La nuit obscure par Jean de la Croix. Pendant une nuit obscure, enflammée d'un amour inquiet, oh, l'heureuse fortune, je suis sortie sans être aperçue lorsque ma maison était tranquille. Étant assurée et déguisée, je suis sortie par un degré secret. Oh, l'heureuse fortune! Et étant bien cachée dans les ténèbres, lorsque ma maison était tranquille. Pendant cette heureuse nuit, je suis sortie en ce lieu secret où personne ne me voyait, sans autre lumière que celle qui luit dans mon cœur. Elle me conduisit plus sûrement que la lumière du midi, où m'attendait celui qui me connaît très bien et où personne ne paraissait. Ô nuit qui m'a conduite, ô nuit plus aimable que l'aurore, ô nuit qui a uni le bien-aimé avec la bien-aimée, en transformant l'amante en son bien-aimé. Il dort tranquille dans mon sein qui est plein de fleurs et que je garde tout entier pour lui seul. Je le chéris et le rafraîchis avec mon éventail de cèdre. Lorsque le vent de l'aurore fait voler ses cheveux, il m'a frappé le cou avec sa main douce et paisible. Il a suspendu tous mes sens. En me délaissant et en m'oubliant moi-même, j'ai penché mon visage sur mon bien-aimé. Toute chose étant perdue pour moi, je me suis quittée et abandonnée moi-même. En me délivrant de tout soin entre les lys blancs. Fin de La nuit obscure par Jean de la Croix. Enregistré par Christiane Jehanne. Illustration musicale du site museopen.org sous licence CC-PD. Ce livre audio est sous licence CC-BY-SA 3.0.